La session du 3e comité social, droits de l'homme et humanitaire de la 71e Assemblée générale de l'ONU a porté sur la protection et le progrès des droits de l'homme depuis le 28 jusqu'au 31 octobre. Dans son discours, le représentant de la République populaire démocratique de Corée a relaté que grâce à la politique d'amour du maréchal Kim Jong-un pour la postérité et le peuple, tous les Coréens exercent librement leurs droits sous le régime socialiste axé sur les masses populaires et jouissent des droits de l'homme authentiques. Il a souligné que le gouvernement coréen fera l'impossible à l'avenir aussi pour consolider et développer le régime national des droits humains, assurer les droits et améliorer la vie de la population. Il a dénoncé la nature réactionnaire de la campagne des forces d'hostilité autour des droits de l'homme dans le but de supprimer notre idéologie et notre régime. Il a réclamé l'ordre du jour officiel et la prise de mesures d'urgence par l'ONU à propos de la torture de la CIA, de la violation des droits de l'homme aux États-Unis devant la statue de la déesse de la liberté, des menées rusées du Japon cherchant à éviter les excuses et indemnités pour le forfait contre l'humanité et de l'enlèvement collectif des citoyens coréens par les autorités sud-coréennes. Comme les États-Unis et le Japon ont mis en cause le problème imaginaire de nos droits de l'homme, il a répliqué que les États-Unis doivent remédier à leur situation dramatique caractérisée par le pire tournoi des droits de l'homme du monde avant de chicaner autrui. En même temps, il a exigé de nouveau et vertement du Japon les excuses et indemnités immédiates pour ces forfaits commis contre l'humanité, au lieu de suivre aveuglément la politique d'hostilité des États-Unis vis-à-vis de la Corée.